sous. On voit la maille, on voit la monnaie. Papa this time, tu me connais. Sur freestyle, ou en impro. Pour du Wari négro, j'ai toujours les crocs. On voit la maille, on voit la monnaie. Papa this time, tu me connais. Sur freestyle, ou en impro. Pour du Wari négro, j'ai toujours les crocs. J'débite sur le beat de Rick Ross. On n'aime pas les coups de crasse. Tu mérites un coup de crosse. Même si on bécane de crosse. J'arrive, c'est trop atroce. J'arrive en impro boboche. On bat la race négro, j'débarque. Vas-y, sonne la cloche. Encore une fois, je représente. Ouais, jamais, ouais, je plaisante. T'inquiète pas, je te plante. Direct dans ton intestin. Espèce de sale. Grosse putain, je reviens de loin. Histoire de mettre les points sur les i négro. En plus j'ai toujours les crocs. Pour du Wari négro, je suis toujours synchro. Toi-même tu sais, en improvisation, papa les chauds. Papa les chauds. On voit la maille, on voit la monnaie. Papa les style, tu me connais. Sur freestyle ou en impro. Pour du Wari négro, j'ai toujours les crocs. On voit la maille, on voit la monnaie. Papa les style, tu me connais. Sur freestyle ou en impro. Pour du Wari négro, j'ai toujours les crocs. Deuxième couplet négro, obligé de les couper. M'en bats la race négro, non je viens pas te louper. Toi-même tu sais négro, y'aura pas d'accès. On s'en bat les yokun, on s'en fout du succès. Et là tu le sais négro, on m'appelle Babali. Toujours au P négro, sur le tatami. Demande à tes amis négro, je viens de Saint-Denis. Représente pour mon 9-3, ouais pour mes amis. On voit la maille, on voit la monnaie. Papa this style, tu me connais. Sur freestyle, ou en impro. Pour du Wari négro, j'ai toujours les crocs. On voit la maille, on voit la monnaie. Papa les style, tu me connais. Sur freestyle, ou en impro. Pour du Wari négro, j'ai toujours les crocs. Dédicace à Mendy et Suleiman. Entre nous négro, tu sais, y'a trop de mythomanes. Pour mes rastaman, pour mes gentlemen. T'inquiète pas, ma voix tu l'entends, ouais, jusqu'à Paname. Allume ta flamme, négro, tu connais mon zebla. Encore dans le 9-3, on raconte pas tout blablabla. J'en place une pour The Doux. Fais pas tes yeux doux. Quand je débarque, négro, s'il te plaît, fais-moi un The Doux. Que je consume, négro, et que je consomme. La galère, je l'assume. T'es ma ma console. Je suis pas seul. Ça fait de l'argent sale. Pour du Wari, je te fais du sale. On voit la maille, on voit la monnaie. Papa this time, tu me connais. Sur freestyle ou en impro. Pour du Wari négro, j'ai toujours les crocs. On voit la maille, on voit la monnaie. Papa this time, tu me connais. Sur freestyle ou en impro. Pour du Wari négro, j'ai toujours les crocs.